Radio Dio 89.5 et radiodio.org. Au jeu terrible de la roulette russe, il est très difficile de gagner à tous les coups. Néanmoins, afin de mettre un maximum de chances dans son camp, le joueur avisé aura tout intérêt à pratiquer de préférence ce sport délicat avec un imbécile. En 1991, la guerre du Golfe eut un effet secondaire assez cocasse à des milliers de kilomètres. En Angleterre, un collectif de Bristol dut changer de nom pendant les quelques mois du conflit pour se plier au bannissement de tout mot rappelant de près ou de loin la rhétorique guerrière décidée par la toute-puissante BBC. C'est ainsi que Massive Attack devint provisoirement Massive avant de redevenir Massive Attack à la sortie du single « Safe from Harm » en juin de cette même année. À l'abri du danger, le sommes-nous vraiment ces derniers temps? Les normes du droit international bâties pour conjurer la répétition des barbaries de la Seconde Guerre mondiale vacillent, tandis qu'agonise la diplomatie qui avait ses règles et ses faiblesses, mais qui tendait à pacifier les contentieux plutôt qu'à les exacerber. Samedi 25 octobre 2025, il est 13h et quelques minutes sur le 89.5 de Radio Dio à Saint-Etienne. C'est Roulette Russe, nouvel horaire jusqu'à 14h, avec Axel à la technique. Bonjour et bienvenue dans l'émission mensuelle de musique pas comme les autres. Voici un aperçu du programme d'aujourd'hui pour vous mettre l'eau à la bouche sans tout vous dévoiler. Parmi d'autres, nous écouterons Massive Attack, Sonic Youth, Yard Act, The Fall, B-Mix Bandits, Soft Cell, sans oublier les deux titres en français de la rubrique Qualité France que vous découvrirez par vous-même en écoutant Roulette Russe, épisode 13. Est-ce qu'on peut commencer, Monsieur le Président ? Le mieux serait que vous leviez le bras. Je vous vois sur une fenêtre, n'est-ce pas ? Je dirais deux ou trois secondes avant, parce que je mettrai ma pendule à zéro. Hein. Alors, quand ça commencera, hein. Non, je veux dire, oui, c'est ça. Avant que vous me parliez. D'accord. Pour que je puisse. Hein, parce que je vais la mettre à zéro au moment où je commence pour suivre. Midnight rockers, city sleep. I was looking back to see if you were looking back at me to see me looking back at you. I was looking back to see if you were looking back at me to see me looking back at you. À l'instant, Safe from Harm, Massive Attack dans Roulette Russe sur Radio Duo. Originaire de Bristol, les trois membres de Massive Attack sont issus du collectif The Wild Bunch, groupe de DJ écumant les clubs de la ville au milieu des années 80. 3D, Mushroom et Daddy J, respectivement Robert Del Naja, Andrew Wolves et Grant Marshall, font leurs premières armes en puisant leurs sources dans les diversités socioculturelles de l'Angleterre, lesquelles donnent naissance à un nouveau courant musical, mélange de sons électro, de hip-hop, de jazz, de dub, de musique de film. S'il faut attendre 1988 et le single Any Love pour retrouver la trace d'un premier enregistrement aujourd'hui très difficile à se procurer d'ailleurs, c'est en réalité avec son premier album Blue Lines en 1991, dont est extrait le titre que l'on vient d'écouter, que le groupe débarque en force sur la scène électro-britannique. Révolution musicale pour nombre d'observateurs. Massive Attack pose les bases de ce qu'est aujourd'hui le trip-hop. Rythmique lancinante, mélodique cotonneuse et surtout un son inimitable et reconnaissable entre tous. Nous allons poursuivre dans ce genre mélancolique des années 90 qui revient sur le devant de la scène grâce à des artistes pop alternatifs comme Addison Rae et des groupes plus underground à l'image des Berlinois d'Azo ou de Lindsay Ellis French, plus connu sous le pseudo de Neji Jamie, qui signe ce renouveau avec Blue Eyes See Through, extrait de son quatrième album paru en juin dernier et baptisé She Comes From Nowhere. Avec son rythme frénétique, ses scratchs de platine et ses nappes déformées, le morceau s'aventure en territoire trip-hop comme aux plus belles heures de Massive Attack 34 ans plus tôt. On l'écoute sans plus tarder dans Roulette Russe. Blue Eyes See Through, Neji Jamie, c'est dans Roulette Russe sur Radio Duo jusqu'à 14h. White cat, slick with the golden eye. Other ones blue, a sea through the sky. Daytime I'm chill, feeling right. When the moon's up, I will take flight. Even in the alley, quiet as a ghost. But it's so creep, but I know I do the most. Transition positive, tone through the flat. Hit midnight. Now I'm a bat. Marielle, vous êtes épuisée. Vous allez partir pour le Touquet demain avec Bernadette et Marie-Thérèse. Je vous rejoindrai avec les enfants aussitôt que leurs cours sont terminés. Yeah. Vous êtes bien calé sur le 895 FM de Radio Dio à l'écoute de Roulette Russe. Surtout, ne changez rien. À l'instant, la mélancolie désabusée de Little Trouble Girl, Sonic Youth. Vous aurez peut-être reconnu les voix de Kim Gordon et Kim Deal en invité de luxe. C'est beau, les légendes en duo. Ce morceau est extrait de Washing Machine en 1995, un disque connu pour sa pochette que je qualifierais d'assez ordinaire, avec deux t-shirts bleus imprimés de machine à laver sur lesquels figure l'inscription d'une sobriété désarmante, Sonic Youth. Le style de l'album est inhabituel dans la discographie du Quatuor Mythique, c'est ce que me disait hors micro Axel, parce que plus progressif, comme un adieu à la scène alternative et grunge américaine alors mourante. En tout cas, c'est le 30e anniversaire de l'album et des rumeurs courent. Sonic Youth, qui est séparé depuis 2011, prépare-t-il quelque chose pour 2026 ? Une réédition ? Une tournée spéciale ? Pour l'heure, le suspense reste entier. On va rester dans la famille et poursuivre avec le prolifique guitariste Lee Ranaldo, ex-membre de feu Sonic Youth. Dans un style qui, là aussi, s'éloigne du son qui a fait la réputation légendaire des New-Yorkais, plus mélodique et plus sage. Le morceau que l'on va écouter, avec son mur du son et ses effluves parfois morriconiennes, est un des titres les plus enjoués d'Electric Trim, son 14e album solo, paru en 2017. Le clip, si vous allez visionner, embarque deux étudiantes dans une danse macabre et de saison, Halloween n'est pas loin, avec des squelettes animés particulièrement farceurs. Uncle Skeleton, l'ex Sonic Youth Lee Ranaldo, c'est dans Roulette Russe jusqu'à 14h sur Dio. Flesh off in a pile. You need to keep the skeleton entertained. You gotta make the skeleton smile. If flesh is a curtain, if flesh is a mask, if flesh is a love song to deceive, skeleton waiting for a higher task, mustn't let the skeleton leave. The face bone's connected to the hand bone by the hand that the skeleton feeds. Then put that hand deep in your pocket. Don't you know this skeleton's got needs? Right, he does. Now, do they include you or not? Lauren, lately I've been calling. What's the likelihood that you're still at this number? We're falling, the devil's in the stalling. Ocean, I can still call Lauren. The face bone's connected to the hand bone. Bite the hand that the skeleton feeds. The skeleton's waiting in the wings. Thank you. Non, on essaie de coordonner les choses sur la Russie, là. Essayer de faire désescalader tout ça. Et on y arrive ou pas? C'est trop tôt pour le dire encore. I was woken by a bang. And I could already taste the pain. The sudden fear that grips and shakes you when you face the truth. Whose sofa was this? Where were my shoes? What did we do last night? I don't remember leaving Nathan's house. Oh yeah, how could I forget why my pants were soaking wet when we'd been pissing ourselves laughing at the news? Did you see it too? It was incredible, they played it on a loop. We couldn't believe it. Basically, they'd discovered that there were others just like us, other beings, other creatures, other planets and other species who had other gods that they believed in. And they interviewed all of them and every one of them, not one, could give any hints of a clue what they were doing here either. It's all so pointless. It is. And that's beautiful. I find it humbling, sincerely, yeah. When you're gone, it brings me peace of mind to know that this will all just carry on with someone else. Someone else. Something new. Something new. No need to be blue. Everything's already hard. Time is a time. It's hippie bullshit, but it's true. Yeah. Now we're off to meet them, so pack your weapons. Don't want them thinking they can pull a fast one on us now, do we, Graham? It's alright, I've fought more wars than I've had on dinners. Sure you have, but the key to peace lies within us, and we'd already have achieved it if everyone was as enlightened as me. It's hippie bullshit, but it's true. Watch me explode. Pointless, but it's not though, is it? It's really real, and when you feel it, you can really feel it. Grab somebody that you love, grab anyone who needs to hear it, and shake them by the shoulders, scream in their face. Death is coming for us all, but not today. Today you're living it, hey, you're really feeling it. Give it everything you've got, knowing that you can't take it with you, and all you ever needed to exist has always been within you. Give me some of that good stuff, that human spirit. Cut it with 100% endurance. Is 13h31 minutes, vous écoutez toujours Roulette Russe et vous avez bien raison. À l'instant, 100% endurance. La musique grisante et le message politique de Yard Act. Je rigole parce que je ne savais pas si je le prononçais à la française, à l'anglaise. Bon, voilà pour la petite parenthèse. Yard Act, des rockstars anglaises qui s'exportent moins qu'à une époque. Mais il est un domaine dans lequel les artistes du Royaume-Uni sont en passe de redevenir exemplaires, celui de la protestation. Après avoir programmé Idols, Sleaford Mods, Viagra Boys, Fontaines D.C., dans de précédentes émissions de Roulette Russe, place à Yard Act, d'autres trublions du post-punk venus tout droit de Leeds. Leur premier album, The Overload, sorti en 2022, a une ligne directrice bien précise, l'argent et le capitalisme. Ou plutôt, ce que ces deux responsables des plus grandes misères de l'humanité ont de plus mortifère. Avec malice et habileté, les British de Yard Act évoquent tour à tour l'activiste à bout de souffle en chacun de nous, les personnes narcissiques, tiens, les politiques au hasard. Derrière, il y a quatre gamins désenchantés qui regardent le monde avec nonchalance et ennui, comme s'ils avaient vu en eux l'appauvrissement des esprits, l'égoïsme latent présent en chacun de nous, la misère, la sobriété qui ne tourne pas rond. On va poursuivre avec une grande et forte gueule disparue en 2018. Personnage atypique, jamais dans la demi-mesure, et parfois surnommé « Tonton Vitriol » par Bernard Lenoir. Mark E. Smith incarnait The Fall, formation instable du début des années 80, dont il malmena successivement la plupart des membres. Je ne sais si son œuvre est essentielle, certains le pensent, ou remarquable par ses qualités. Je ne l'affirmerai pas, bien que le chaos érigé au rang de l'art est parfois quelque chose de très intéressant en soi. C'est un postulat. Le titre que l'on va écouter est extrait de The Infotainment Scan, un album très accessible de The Fall, sorti en 1993. Lost normalement, in Music, une reprise du son disco des Sister Sledge, The Fall, sur la plus libre des radios à Saint-Étienne. C'est parti, Axel. Perdu dans la musique, le temps va te faire foutre. Les monnaies, ils sont la table. Les monnaies, ils sont la table. Sir, the palace of Texas. Leads to the palace of Texas. I'm not gonna voice. Normalement, vous y avez droit à la qualité France. Ah oui? Ah, vous y avez droit, normalement. Vous pouvez demander à la préfecture et normalement, oui. vous avez l'estampille qualité France. Ah oui? Vous êtes sur la radio Dio à l'écoute de Roulette Russe. À l'instant, le premier titre de la capsule Qualité France avec Arnold Charles Ernest Ingen, plus connu sous le nom d'Arnaud. Cet extrait de son cinquième album solo baptisé À la française, paru en 1995. Alors, Arnaud avait déjà chanté quelques morceaux français sur presque chacun de ses albums dans les années 80 et 90. Ce fut le cas aussi du temps de Tissimatic, son groupe, avant sa carrière solo. Le disque À la française est un beau mélange de chansons blues, funk, rock, kermesse, tout à l'image de l'une des expressions favorites d'Arnaud. Je vais essayer de vous le faire avec l'accent belge. Quel bazar ici! Bon, je ne sais pas si c'est réussi. En tout cas, c'est vrai que lors d'interviews, d'extraits de concerts, etc., il utilisait assez régulièrement cette expression. Nous allons poursuivre avec un autre titre de cette année 1995. Son interprète est né sur France Inter quelques années plus tôt grâce à Bernard Lenoir, qui fut le premier à diffuser « Le courage des oiseaux ». Ce jour-là, le retour des auditeurs qui donnaient alors leur avis via le Minitel fut enthousiaste. Pour la parution de La Mémoire Neuve, son troisième album, il fait la couverture des Inrecuptibles dans un pull à col roulé rouge. Le titre est délicieusement provocateur, la chanson française dont vous n'aurez pas honte. La première piste de cet album s'intitule « Je ne respire plus, Milos ». On l'écoute tout de suite dans Roulette Russe. Mais avant, notez que du 6 au 16 novembre prochain, la Loire résonnera au rythme de la chanson francophone grâce à la 34e édition du festival Les Oreilles en Pointe. À cette occasion, Dominique A sera en concert vendredi 7 novembre prochain, donc à La Forge. C'est au Chambon-Feugerolles. Ma haine a fait son choix et sur moi s'est portée. Elle n'est pas mal tombée et s'en est contentée. Ce depuis le début, si elle m'abandonnait, hop, un nouvel échec et elle me revenait. Quant au vu de ma chance, elle ne m'a plus quitté. Tous les projets d'amour sont allés faire un tour. Mais enfin, pour une fois, qu'un d'entre eux se tenait. Voilà que je m'éteins et je ne respire plus. Ces deux fois, ce sont sûrement les autres qui s'éteignent et c'est moi qui l'emporte ici-bas. Leur visage sous le nez, je ne reconnais pas ce qu'ils sont, qu'ils étaient. Et je ne respire plus. Je les sens perdus et même je vais leur dire leur absence à eux-mêmes, la pitié qu'elle inspire. Leur dire de but en blanc et leur faire ce procès de s'en les dire exprès alors que je m'éteins. À la chaux, libas et veilleuse en sommeil. Je ne vois plus que ça, et puis quelqu'un qui dort. Sans s'éveiller sur moi, et déjà il ignore que c'est lui qui s'éteint, et moi qui bouge encore. Jusqu'au bout, on m'aura seriné pour avoir la clé de quelques faits, dont la seule mémoire. C'est la mienne qui n'a plus aucune obligation et ne veut plus me dire si je respire ou non. Tranche de pâté de tête, s'il vous plaît. Mais très peu, c'est pour un bébé. Comme ça? Non, la moitié. C'est pas vrai, c'est pour rouler une cigarette. 7,80. Pardon? 7,80. 7,80 pour ça? Bah, ce prix-là, vous pouvez la garder, vous êtes vraiment des voleurs. Candy Breeze, le feu d'artifice de guitare saturée par le groupe Wednesday. C'est donc une nouveauté après Neggy, Jamie en début d'émission. Wednesday, une formation menée par Carly Hartzman qui s'est discrètement taillée une place dans le paysage du rock indé US depuis quelques années. Ils viennent d'Asheville, la ville la plus hippie de Caroline du Nord, récemment touchée par de terribles inondations. Alors, je vais être honnête, je connais très peu de choses à propos de Wednesday, mais je vous avoue qu'à la suite de l'écoute de cet album et de ce morceau, je vais me pencher de plus près sur la discographie de ce groupe sans tarder. À suivre, et pour s'approcher doucement de la fin de l'émission déjà, un peu de tatapoum, comme aurait dit Le Black, avec une formation née fin des années 80 au nom improbable de BMX Bandits. Groupe oublié, originaire de la banlieue de Glasgow, ils sont pourtant toujours en activité. On trouve la trace d'un premier album en 1989 et derrière leur dernière production, pardon, Dreamers on the Run, date de 2024, c'est tout récent donc. Le groupe a partagé de nombreux membres avec les formations locales, dont Teenage Fan Club et les Soup Dragons. Razorblades Endone, le titre que l'on va écouter, est extrait d'un album paru quant à lui en 2017 et intitulé sobrement BMX Bandits Forever. L'ambiance du morceau va sans doute vous rappeler certaines productions de New Order. On l'écoute. Razorblades Endone, BMX Bandits, dans Roulette Russe jusqu'à 14h. What do you hide behind your eyes? Could never get a look in. What lies between razor blades and honey. Eyes that flit like butterflies, but are always on the money. With all the hearts you gobbled up, you'd think you'd have had your fill. You're gonna choke on your own poison. It's time to swallow this pill. Right now you think you're something, but soon you're gonna be nothing. Right now you think you're something. Éventuellement, si vous étiez au bout du rouleau, on pourrait envisager de conclure. Thank you. à l'instant dans Roulette Russe sur Radio Dio, Youth, un titre extrait du Non-Stop Érotique Cabaret, mais dans sa version Deluxe édition. The Non-Stop Érotique Cabaret, qui était le premier album du groupe Soft Cell en 1981. Un clin d'œil en hommage au musicien britannique Dave Ball, cofondateur de Soft Cell, décédé cette semaine à l'âge de 66 ans, quelques jours seulement, après avoir achevé l'enregistrement d'un nouvel album de Soft Cell à paraître l'année prochaine, en 2026. Le duo Soft Cell s'était rencontré en 1977 à Leeds Polytechnic pour étudier l'art. Il associait le chant d'Almon, gai flamboyant et théâtral, influencé par Jacques Brel, le flamenco et le cabaret, aux mélodies pop et rythmiques disco-électroniques de Dave Ball, hétéro-discret, planqué derrière ses synthés, nourri pour sa part aux bandes originales de John Barry. Leur reprise de Tainted Love, inspirée du morceau Soul de Gloria Jones en 1964, sort à l'été 81, quelques semaines avant le lancement de MTV, qui en fera l'un de ses clips fétiches. Le morceau deviendra un phénomène mondial et propulsera l'album Non-Stop Érotique Cabaret au sommet. Le duo se séparera en 1984 avant de se reformer en 2000 pour plusieurs tournées nostalgiques et deux albums. Cruelty Without Beauty en 2002 et Happiness Not Included en 2022. Leur dernier concert aura lieu le 16 août dernier au Rewind Festival aux côtés de UB40, ABC et Squeeze, groupe emblématique aussi de cette époque. Marc Almond avait confirmé il y a quelques semaines que Soft Cell venait d'achever un nouvel album et que 2026 devait être une année pleine de projets. RIP des Balls. Voilà, Roulette Russe, l'émission de musique pas comme les autres. C'est fini pour aujourd'hui. On se quitte sur un instrumental de Soft Cell que j'adore. Un grand merci à Radio Dio pour cette irréductible volonté de rester libre, sauvage et impertinente. Un grand merci à Axel, derrière la vitre à la technique, qui a délicatement et sobrement poussé les curseurs pour que le son parvienne à vos oreilles. Enfin, un grand merci à vous, chers auditeurs, qui avez suivi ce programme modeste, mais néanmoins génial. N'oubliez pas que vous retrouvez toutes les émissions de Roulette Russe en podcast, soit sur la page radioaudio.org dans quelques jours, mais également sur l'audioblog Arte Radio. Vous tapez simplement Roulette Russe Radio Dio Saint-Étienne sur votre moteur de recherche. Quant à nous, en raison du salon Tatou Juste, on décalera Roulette Russe d'une semaine pour se retrouver le samedi 29 novembre, cinquième semaine, c'est un samedi à cinq semaines, donc le samedi 29 novembre de 13h à 14h, c'est dorénavant le nouvel horaire depuis cette rentrée. D'ici là, prenez soin de vous et surtout ne lâchez rien. Normalement, si tout va bien, vous avez rendez-vous dans quelques instants avec Alpha qui vous présentera la Voix de l'Afrique, comme chaque samedi aux environs de 14h. Caresses et bis à l'œil. Radio-Dio, 89.5 FM.